On veut la paye Tony, quitte à pipi d'exomil. On pèse nos vies sur un coup tête maudit. Le futur on laisse trop pile, la violence on la caresse trop petit. Il serait temps qu'on franchisse ton pola, là où les petits grandissent en brandissant ce qui transpire de vos polas. Là où transite la hantise de vos dollars. J'écris avec la plume de Francis Ford Coppola. Coupe la cam, on serait pas comme du vieux Napalm. Cet été c'est le festival, Wallah qu'on te fourre la palle. Considère ça comme du rap de couille que t'as pas. On est déjà loin une fois que tu te remémores toute la barbe. Y'a pas de VIP, procédé, vie active, faux CV, OCB, vie Alspi, possédé, obsédé. Qui a le bif, qui va opter pour le trafic, qui va se taire un beau redma jusqu'à en choper une arthrite. C'est le court trage, mais du chitane. Ouais, le parcours de la veille, au carrefour de la vermine. Ouais, chaque jour la même, on court après tes pépettes. Alors à boule ta paye, l'orgueil nous joue des tours depuis la tour Babel. C'est le court trage, mais du chitane. Ouais, le parcours de la veille, au carrefour de la vermine. Ouais, chaque jour la même, je sais qu'il y a tout à refaire. Donc écoute ma belle, si je prends du fer, j'attendrai pas que ces putes écourtent ma peine. Si tu savais toute la haine que je leur porte, tu les appelles les forces de l'or, je les appelle les tueurs gosses. Si tu savais toute la haine que je leur porte, si tu savais, si tu savais. Si tu savais toute la haine que je leur porte, tu les appelles les forces de l'or, je les appelle les tueurs gosses. Si tu savais toute la haine que je leur porte, si tu savais, si tu savais. Néochrome, c'est la maison. C'est des orties mais pas la rose qui a poussé sans le béton. J'arrose tous ces insectes avec du bégon. Nique les torts, inspecte tous ceux qu'on suce et les décons. Vous attendez pas à me voir pépon. J'ai jamais rien léché à part des tétons. Je descends pas du singe, je crois pas aux dinosaures, mais plutôt aux kilos transportés dans un Clio Sport. Dis au Poucaf que chez nous on plie nos stores. Tu vas cramer si t'as mangé des kilos de porc. Pour m'égaler, faudrait plus qu'un petit ressort. 77, c'est pas un chiffre que je tire au sort. Ma plume, ma voix, mon flow, c'est un trio d'or. C'est pas l'école du micro d'argent, mais celle du micro d'or. Excuse-moi si je te l'ai mise trop fort. Façon Bounia n'a jamais eu l'esprit tricolore. Dans nos équipes, rien que des génies, JRN. OP pour Vesky, G-I-G-N. On charle le temps, même quand les aiguilles des règles. A force de rester sur le banc, j'ai fait fuir mes rêves. A force de me faire tenir le gland, j'sais comment jouissent les rênes. N'attends jamais qu'un fils de pute détruise les règles. Tu m'as trahi, Watt, t'es pas mon ami, Watt. Je vais te faire rejoindre Michael et Barry White. Si tu savais toute la haine que je leur porte, tu les appelles les forces de l'or, je les appelle les tueurs gosses. Si tu savais toute la haine que je leur porte, si tu savais, si tu savais. Si tu savais toute la haine que je leur porte, tu les appelles les forces.